La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, aujourd'hui mardi, deuxième moment de notre série consacrée à Boris Vian, une émission qui vous est proposée par Laurence Genepin, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet et Chloé Kaczmarek, à la console aujourd'hui Pierre Faucillon. Pierre Marcabru disait de Vian qu'il était triste et joueur, comme un enfant perdu. Il disait aussi qu'il avait beaucoup écrit et souvent n'importe quoi. La vérité est que Boris Vian écrivait vite et qu'il travaillait à l'instinct. Car la maladie le poussait à faire mille choses à la fois, à ne plus vivre sous cloche comme durant son enfance trop protégée. Tout cela, nous l'avons vu hier, c'était avec Claire Julliard et vous pouvez réécouter cette émission directement sur notre site ou bien alors en podcast. Demain, nous aurons la chance de visiter le dernier appartement où a vécu Boris Vian. C'est un deux pièces qui n'a pas changé depuis sa mort en 1959 et où vit aujourd'hui Nicole Berthold, qui est responsable de la cohérie Boris Vian. Enfin jeudi, Chloé Delhomme nous dira pourquoi l'auteur de L'écume des jours lui a donné l'envie d'écrire. Puis Thierry Foulque nous parlera de pataphysique. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour mieux comprendre comment Boris Vian est devenu une référence littéraire malgré le regard en coin que portait sur lui le milieu germano-pratin, pour parler aussi de l'amour de Vian pour le jazz et les États-Unis, je reçois Christelle Gonzalo qui, non contente de faire tourner sa librairie de livres anciens spécialisée sur la ville de Paris et qui s'appelle « Sur le fil de Paris », a collaboré aux deux éditions des œuvres complètes de Boris Vian, chez Fayard et dans la Pléiade. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Mais pourquoi même à la radio y a-t-il le domaine, par exemple, littéraire pur et celui qu'on appelle les variétés littéraires ? Mais je vais vous dire, il y a beaucoup de gens qui aiment se parer de titres pompeux et qui pensent que, ce faisant, ils s'entoureront d'un mur inaccessible au commun des mortels et aux vulgaires. Je vous citerai par exemple une chose récente dans une chronique de l'Express de François Mauriac qui m'a vraiment plié en deux. C'était la chronique que François Mauriac a faite à propos de Zazie dans le métro. On avait l'impression que François Mauriac était absolument révolté et dégoûté de penser que cette chose innommable qui s'appelait Zazie avait aussi le nom de livre comme le nœud de vipère. Il était vraiment ennuyé, ça l'embêtait vraiment. Et ça m'a rappelé une chose très drôle qui m'est arrivée un jour avec un camarade, comment dirais-je, très gentil, mais qui a fait une réflexion qui m'a exactement rappelé celle de François Mauriac. On se trouvait un soir près d'un aquarium dans un restaurant. Et puis je le vois qui regardait les petits poissons avec ennui, avec dégoût. Et puis au bout de 5 minutes de silence, je lui dis « Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a ?» Oh, il dit « Ah, tu sais, oh, ça m'embête. » Je lui dis « Qu'est-ce qui t'embête ?» Il me dit « Ah, oh, ça m'embête que ça soit vivant comme moi, ces trucs-là. » Et oui, l'enfer, c'est les autres, et parfois même les autres petits poissons. Bonjour Christelle Gonzalo. Bonjour. Alors dans votre librairie, est-ce que vous vendez autant de livres de François Mauriac que de livres de Boris Vian ? Je ne suis pas sûre du tout d'avoir un Mauriac qui traîne dans la librairie. Ah, comme quoi il y a une ligne de partage hein, qui se... Non, ça pourrait, peut-être que je les ai déjà tous vendus, je ne suis pas sûre. Mais par contre, Boris Vian, oui, absolument. Mm-hmm. J'en fais de la publicité quasi systématique et les gens réagissent très très bien. Vous pensez qu'il se sentait un peu méprisé par... les prix Nobel de littérature, les Mauriac et compagnie. Il y a un certain nombre d'auteurs des années 40 et 50 qui ne l'ont jamais vraiment considéré comme un écrivain à part entière. Et ça a perduré jusqu'à sa mort et même des années après. Ah, ben j'ai l'impression qu'on tient là un sujet de conversation. Avant cela, je voudrais vous demander si vous êtes devenu libraire grâce à Boris Vian, parce que François Roulman, avec qui vous avez travaillé pour la Pléiade, a dit lui qu'il était devenu libraire à cause de Boris Vian. Alors est-ce que quand on lit Boris Vian, immédiatement on a envie de travailler dans les livres, d'en vendre, de faire partager sa connaissance de cet écrivain à d'autres ? Alors il y a un personnage assez fameux de l'univers romanesque de Vian qui est le personnage personnage de Chic dans L'écume des jours, qui collectionne de manière complètement démesurée l'œuvre de Jean Solpartre et qui en meurt. Alors ce personnage de Chic, bon, il est vraiment vraiment très exagéré. On n'a pas forcément envie de lui ressembler, mais quand on se met à lire Vian, on a envie et qu'on a cette passion, ces pulsions, on a envie de tout découvrir. Et donc on commence à acheter des livres de poche, on commence à acheter des biographies de l'auteur, et puis on ramasse des petits papiers, des programmes de spectacles, des choses comme ça. Et c'est comme ça que François Roulman a constitué très jeune sa collection. Donc pour ma part, c'était pas tout à fait le cas, mais j'ai une très très belle collection de livres de poche au moins, et quelques éditions originales. Et si j'ai fait de la librairie, c'est à cause de François Roulman qui m'a poussée. Voilà. On reviendra peut-être sur le personnage de Chic si on a le temps. La première fois que vous avez lu Boris Vian, vous vous en souvenez? Vous étiez adolescente? C'était, oui, un peu comme tout le monde à l'adolescence. J'avais une professeure de français remplaçante dans un lycée privé de Seine-et-Marne qui nous avait fourni une liste de lectures qui était détonnante par rapport à ce qu'on avait l'habitude de lire à l'école. Il y avait que du XXe siècle, beaucoup de science-fiction, il y avait du Bradbury, des choses comme ça. Et il y avait Boris Vian, et ce nom me disait quelque chose, c'était l'arrache-cœur qui était proposé. Je me suis engouffrée dans cet ouvrage, et je suis partie après à la bibliothèque, j'ai lu tout ce qui était possible de lire sur lui. Et puis j'ai parcouru les librairies à la recherche de tous ces bouquins. On était un peu avant Internet, donc il fallait faire quelques kilomètres. Et ça m'a jamais quitté, en fait. C'était très très poignant pour un adolescent de lire ça, découvrir un monde qui est complètement créé simplement avec des jeux de mots, c'est le langage qui crée l'univers. Et en plus des préoccupations des personnages qui sont souvent assez adolescentes, surtout dans les premiers romans. Donc c'est un ami pour la vie, quoi. Et est-ce que vous diriez qu'il vous a appris quelque chose, ou que la lecture de ses livres vous a enseigné quelque chose? La première chose, ça a été qu'on pouvait lire à l'école des romans qui n'étaient pas des classiques et qui nous marquaient profondément. On se sentait assez concerné par les préoccupations des personnages. Donc ça, c'était quand même déjà très important, et ça arrivait assez rarement dans les lectures scolaires. Et ensuite, oui, quand on lit L'écume des jours, on sent qu'on a le droit de dire ce qu'on pense, on a le droit de taper un peu dans la fourmilière, ça donne de la force. Alors un peu plus tard, quand vous étiez en maîtrise, il a fallu rédiger un mémoire, c'était un mémoire d'histoire, je crois, à la Sorbonne, et vous avez travaillé sur le thème des vies posthumes. Et c'est là que vous vous êtes demandé pourquoi, finalement, Vian était mort dans un relatif anonymat. Alors là, il faut peut-être préciser un petit peu, anonymat, disons, artistique, alors qu'il était par ailleurs assez célèbre. Ouais, voilà, c'est un anonymat plutôt littéraire. On ne reconnaissait pas du tout son statut d'écrivain. Par contre, au moment où il décède, il y a quelques articles de presse quand même qui sortent. Il est reconnu pour sa jazzophilie. Et puis il avait fait des chansons quand même dans les années 50, donc on connaissait encore son nom. Et puis surtout, il y avait J'irai cracher sur vos tombes. Et là, tout le monde se rappelait d'avoir lu ou d'avoir connu quelqu'un qui avait lu ou qui était scandalisé par J'irai cracher sur vos tombes. Donc le nom de Vian n'était pas du tout inconnu. Par contre, ses romans n'étaient presque plus publiés, pardon. Il restait L'automne à Pékin, que Minuit avait republié en 56, Vers Coquin et le Plancton, que Gallimard continuait de publier, et les autres, même Vian lui-même n'arrivait pas à se procurer des exemplaires pour les fournir à ses amis. Et il a râlé auprès de Queneau pour faire remonter ça à Gallimard. Il avait beaucoup de mal à trouver ses œuvres. Et pourtant, 40 ans plus tard, ses œuvres complètes paraissent une première fois chez Fayard et paraîtront ensuite chez Gallimard dans la collection de la Pléiade. Et donc, le parcours de cette espèce d'anonymat relatif jusqu'à une reconnaissance qui est aujourd'hui, alors vous allez nous le dire d'ailleurs, généralisée. Est-ce qu'aujourd'hui, Boris Vian, ça y est, il fait partie du Panthéon? D'une certaine manière, il continue de déranger certains. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, je l'ai lu à l'adolescence, j'ai aucune envie de le relire maintenant ». Il reste encore assez cantonné dans ce petit carcan d'écrivain de l'adolescence pour un certain nombre de lecteurs plutôt classique, on va dire. Le fait qu'il rentre tout d'abord dans cette collection Fayard a permis de montrer qu'il avait écrit dans toutes les directions, qu'il n'y avait pas que les romans. Il y a les scénarios, le théâtre, tous les écrits pataphysiques, et puis le jazz. Il y a 3 volumes d'œuvres, des œuvres complètes qui sont consacrées au jazz, à ses chroniques de jazz pour Jazzot, pour Jazz News, pour Combat, entre autres. Et donc ça a donné une dimension nouvelle à un écrivain qui écrivait sans arrêt du matin au soir et même la nuit. Et la Pléiade, c'est quand même une certaine consécration dans le monde littéraire, ça c'est indéniable. Beaucoup de gens se posent encore la question, s'étonnent de voir que Vian est en Pléiade. Mmh. Consécration qui est un petit peu ironique, on va comprendre pourquoi dans le cours de cette émission, parce que Gallimard n'a pas toujours soutenu, loin de là, l'auteur de L'écume des jours. En tous les cas, tout avait plutôt bien commencé. Boris Vian, très jeune, publie donc chez Gallimard, Vers Coquin et le plancton, c'est même Raymond Queneau en personne qui l'accueille dans cette auguste maison. Oui, tout à fait. Boris Vian habitait, donc, comme vous l'avez vu hier, à Ville d'Avray, et les voisins étaient la famille Rostand. Et Jean Rostand, biologiste, écrivait des livres, il connaissait très bien Raymond Queneau. Et Boris Vian écrit son Vers Coquin, qui est quand même un peu pour un public assez familial, même s'il est beaucoup moins que le roman précédent. Et ça amuse beaucoup Jean Rostand, ça amuse beaucoup Raymond Queneau, qui fait beaucoup retravailler Vian. Le manuscrit qui est à la Bibliothèque nationale le prouve. Il y a énormément de changements de structure. Vian avait l'habitude de mettre le nom de ses copains dans ses romans. Il en a enlevé quelques-uns pour que la lecture soit plus facile, pour ouvrir vraiment, sortir du cercle familial. Parce que l'idée de ce retravail, c'est quoi? Ça va dans quel sens? Il fallait que ça ait l'air vraiment d'un roman, que la construction soit plus précise, soit plus pointue. Il y a des chapitres qui ont sauté. Je crois que la fin a été assez profondément remaniée aussi. Il fallait il a fait pour la première fois un vrai travail de romancier. Et je pense qu'il l'a fait vraiment avec plaisir, parce que quand Raymond Queneau vous donne des conseils pour remanier votre livre... Oui, ça doit aller. Ça va. Alors, il y a donc Vers Coquin et Le Plancton, L'écume des jours, qui va être aussi publié chez Gallimard, et cela malgré le fait que ce livre n'ait pas reçu le prix de la Pléiade. Ça, c'est resté comme une blessure très vive. Oui, ça, il a eu du mal à digérer, parce que donc, chronologiquement, en juin 46, quand le prix de la Pléiade est décerné, c'est un prix Gallimard décerné à des futurs auteurs Gallimard. Vian n'a encore rien publié. Il a écrit quelques articles, notamment sur le jazz, mais il n'a pas publié de roman. Et le prix de la Pléiade lui était quasiment acquis. Il avait presque la certitude qu'un certain nombre de membres du jury, dont Sartre, dont Le Marchand, dont Queneau, allaient voter pour lui. Et patatras, ça n'a pas du tout fonctionné. C'est l'abbé Jean Grosjean qui a obtenu le prix avec un recueil de poèmes. Ça lui restait en travers de la gorge, que ce soit en plus un abbé qui ait le prix de la Pléiade à sa place. Et puis surtout qu'il s'est senti vraiment trahi par sa future nouvelle famille. Et donc il a écrit un poème redoutable qui a été publié de nombreuses fois par la suite. Mais ça n'a pas empêché Gallimard d'éditer L'écume des jours. Et donc, on a Vers Coquin qui est achevé d'imprimer au mois de novembre 46 et qui sort en librairie en janvier 47, et L'écume des jours sort en avril. Entre-temps, malheureusement pour Vian, il trouve le moyen d'écrire en 15 jours un polar prétendument écrit par un Américain qui est donc Vernon Sullivan. Il écrit « J'irai cracher sur vos tombes » qui sort chez un petit éditeur, Jean Dalluin au Scorpion, qui sort en novembre. Donc il sort avant ses deux vrais romans. Comme c'était pas sous son nom, c'était pas dramatique, mais comme très vite on a su que Vian en était vraiment l'auteur, il s'est fait haïr. Donc c'est le best-seller de 1947, J'irai cracher sur vos tombes, et à partir de là, plus rien ne se passe comme prévu, celui qui devait être un auteur Gallimard devient quoi, un auteur populaire? Un traducteur Gallimard. Il a signé, je crois en 47, 6 contrats avec Gallimard pour traduire Chaise, Quin et puis peut-être Chandler en série noire. Mais Gallimard va refuser. Alors, il y a dans l'édition un droit de suite. Donc, à partir du moment où il a publié deux romans chez Gallimard, il était obligé de présenter les suivants à Gallimard. Et il s'est fait systématiquement refuser. Alors, L'automne à Pékin, bon, c'était un peu évident qu'il se fasse refuser. Il a mis en scène dans L'automne, qui est une histoire complètement rocambolesque de construction d'une ligne de chemin de fer en Exopotamie. Et il a mis l'abbé Petitjean, donc qui fait quand même écho à Jean Grosjean. Il a mis ce salaud d'Arlan, qui était donc Marcel Arlan chez Gallimard. Ursus de Jean Paulhan, qui était Jean Paulhan. Et il leur donne des rôles pas forcément très sympathiques. Enfin, il tourne tout ça en dérision, mais il y avait peu de chances que ça fasse rire Gallimard. Voilà, il y a ce côté crime de lèse-majesté. Est-ce que vous, alors évidemment vous adorez Boris Vian, donc vous n'avez pas envie de dire que L'Herbe Rouge ou L'Automne à Pékin sont des livres qui peuvent éventuellement être considérés comme moins importants que L'Écume des jours, mais je vous pose quand même la question, est-ce que vous arrivez à vous mettre dans la peau du comité de lecture de Gallimard à cette époque-là et à vous dire finalement c'était peut-être des livres qui étaient pas vraiment publiables dans cette maison-là? Je pense que il y avait une grande admiration de tout le monde pour L'Écume des jours, pour cet univers qui avait été créé, ces personnages. Il est possible que L'automne à Pékin est assez désarçonné, même au-delà de la dérision et de la moquerie des éditeurs Gallimard. C'est plus complexe en même temps. Le roman lui-même, la construction du roman est beaucoup plus complexe. Je pense qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire plaisir à Boris Vian. Et peut-être que oui, ça leur plaisait moins. Ou que dans le comité de lecture, il y avait deux, trois personnes qui n'avaient pas trop envie de l'aider trop. Mais c'est chez donc d'autres éditeurs plus petits que va se faire la carrière littéraire de Boris Vian, par exemple, chez Christian Bourgois, qu'on écoute à présent en archive. Quand on avait 13, 14, 15 ans après la guerre, on entrait dans le monde adulte en lisant La condition humaine ou L'étranger. Bon. Et on y entrait parce que des aînés nous les conseillaient. Bon. L'originalité de Vian, c'est que c'est une œuvre que des garçons et filles jeunes et même extrêmement jeunes ont imposé aux critiques, ont imposé à leurs professeurs, ont imposé aux adultes. Oui, il est qui Vian au fond pour vous? Quel portrait littéraire on peut en faire? Il est différent, il est ailleurs, si vous voulez, et c'est pour ça que je crois qu'il a eu tant de succès, c'est le contraire d'un maître. C'est quelqu'un, il ne donne pas d'exemple, il est profondément ironique, tendre, à côté, c'est un ami, enfin je ne sais pas. Mais je crois que, si vous voulez, tous ces gamins, génération après génération, parce qu'il n'est pas intimidant, il n'est pas... Ils ont l'impression qu'il est à eux. Enfin, je crois que c'est le refus des jeunes lecteurs d'avoir des lectures recommandées, qu'on leur aurait recommandées, et s'entrejouer sur les mots. Boris Vian, apparemment, n'est pas un personnage fréquentable, n'est pas un personnage recommandable, et c'est pour ça qu'il l'aime tellement. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Boris Vian avec Christelle Gonzalo. C'est donc par le biais des petits éditeurs, petits toujours entre guillemets, que Boris Vian va écouler, faire paraître les livres auxquels finalement il tient le plus. Oui, en fait, les éditions du Scorpion, donc qui ont édité les quatre romans de Vernon Sullivan, parce qu'il y en a eu quatre, vont donner une tribune à Vian, puisqu'il va publier L'Automne à Pékin aux éditions du Scorpion. Ça va marcher, d'ailleurs, ça va beaucoup mieux marcher que L'Écume des jours, puisqu'il va en vendre. L'Écume des jours n'a pas du tout fonctionné. Ils en ont vendu peut-être 2000-2500 exemplaires. Quand Vian meurt et que Jean-Jacques Pauvert achète le stock, il en reste 1200. C'est un tirage de 4000-4400. Plus quelques-uns qui devaient traîner dans les rayons des librairies. Donc 2000-2500 exemplaires en 15 ans, quelque chose comme ça. Quand L'Automne à Pékin sort, il sort sous le nom de Boris Vian, mais aux éditions du Scorpion, qui était donc un éditeur principalement de polar, de thriller, et donc il en vend 6000 exemplaires. Et Queneau, Vian demande à Queneau en 1951 si Gallimard ne voulait pas reprendre le titre, puisqu'il en a vendu 6000. Et Gaston Gallimard dit non. Voilà. C'est là que Pauvert va racheter finalement tout le stock de Gallimard. Voilà, alors entre les deux, il y a eu quand même un autre éditeur un peu malheureux, Toutain, qui était un éditeur de cartes et plans, qui se plaît à publier l'œuvre de Vian pour son grand malheur, puisque il publie L'Écarissage pour tous, qui est une pièce de théâtre, Le Manuel de Saint-Germain-des-Prés et L'Herbe rouge en 1950. Donc les trois romans, les trois livres devaient sortir en juin 50 et l'éditeur fait faillite. Donc tout est bloqué dans un entrepôt et c'est pour ça qu'aujourd'hui les éditions originales de L'Herbe rouge et de L'Écarissage sont quasiment neuves. Parce qu'elles sont restées dans l'entrepôt et c'est le collège de pataphysique qui en a racheté une partie, les éditeurs en ont racheté une autre partie dans les années 60. Le livre n'est jamais paru. Alors vous parlez de L'Écarissage pour tous, c'est peut-être le moment de dire un mot sur le théâtre de Boris Vian dont on parle assez peu. C'est vous qui vous êtes occupé de cette partie-là, je crois, pour les œuvres complètes chez Fayard. L'Écarissage pour tous, œuvre peu connue, que peut-on en dire? Alors on peut en dire que ça a été joué du vivant de Vian, ce qui est quand même assez rare, parce qu'il a eu deux pièces jouées de son vivant. J'irai cracher sur vos tombes, qu'il a adapté au théâtre, en 1948. Tout le monde venait voir des filles nues et tout le monde a été très déçu, donc la pièce est restée 2 mois et demi à l'affiche. Et L'Écarissage pour tous, qui est une blague un peu grinçante contre la guerre, avec un père qui essaie de marier ses deux filles, marier et mari, à des soldats anglais qui déboulent, ou des américains. Et ça n'a pas marché non plus outre mesure. Et la pièce la plus importante de Vian, elle est jouée quelques mois après sa mort, c'est Les Bâtisseurs d'Empire. Donc là, c'est joué au TNP. En décembre 59, ça tient un certain temps. On commence à relire Vian, on se dit qu'il peut faire des choses. On est dans la lignée un peu des Ionesco, des gens comme ça. Et la pièce vraiment, vraiment marche. Elle est d'une qualité incroyable. Elle reprend un peu les thèmes de L'Écume des jours, de l'enfermement, de la famille. C'est assez sombre. Ça se prête assez bien, peut-être aussi, la littérature de Vian, justement, faite beaucoup de dialogues, de beaucoup d'images, de pas mal d'actions, de gags aussi parfois. Ça se prête c'est au théâtre. Très très très adaptable au théâtre. Il y a un nombre incalculable de troupes, souvent des troupes amateurs d'ailleurs, qui veulent s'amuser en proposant des pièces qui adaptent L'Écume des jours. Là, il y en a une très très bonne au théâtre de la Huchette qui se termine le 2 septembre. Et puis souvent les compagnies de théâtre aiment à faire des montages, récupérer des chansons, récupérer des petits bouts de scènes de romans, des pièces de théâtre pour proposer un Vian en une heure. Un esprit de sketch aussi parfois dans les pièces qui peut peut-être justement se découper et être joué séparément. Oui, ça se découpe vraiment bien. Et Vian lui-même, un de ses seuls grands succès en tume, si je puis dire, c'est Cinémassacre, qui s'est joué 400 fois à La Rose Rouge. Qui a été repris ensuite aux Trois Baudets, et c'était des sketchs de parodies de cinéma, en fait, des années 30-40. Une intrigue très très simple et ça a été presque son seul succès. Alors pour revenir à notre propos et nos éditeurs, donc il y a Toutain et le théâtre, il y a donc Pauvert, il y a Christian Bourgois qu'on a entendu en archive. Lui, il va rééditer absolument tout Boris Vian. Alors c'est au début des années 60, c'est Pauvert et Eric Losfeld qui commencent à publier Vian, les romans, L'Herbe rouge et L'Arrache-cœur sont publiés chez Pauvert. L'Écume des jours sort aussi en 63 et là tout de suite on en vend 10 000. C'est assez. Ça, c'est marrant. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est l'état d'esprit? C'est la communication faite autour du livre? Non, je pense que les années 60 commencent dans ces années-là. La jeunesse n'est plus du tout la même que celle des années 40. La guerre, ils n'ont pas connu la guerre. Le livre de poche se développe énormément. Donc, on peut se procurer un Vian pour rien. Et L'Écume des jours, c'était Prévert en plus. C'est un collage de Prévert qui a mis dessus sur l'édition de 63. Et donc on se le passe et ça correspond vraiment à un air du temps. Des prémices de 68 sont déjà là et Vian va vraiment participer à tout ça. Alors il y a le théâtre, il y a les romans, mais il y a aussi nombreuses des chroniques. Et vous vous êtes aussi occupé de l'édition des chroniques dans la Pléiade, même si vous avez travaillé à plusieurs. Hein, c'est un travail à six mains que cette édition dans la Pléiade. Donc ce sont notamment des chroniques de jazz. Quel genre de chroniqueur était Boris Vian ? Très très étonnant chroniqueur, il avait un franc-parler absolument incroyable, il interpellait ses lecteurs, donc ses mêmes pistouflets mots dorés, quand des gens lui répondaient de manière un peu agressive par courrier, il lisait les courriers, il humiliait un petit peu quand même des anonymes qui jouaient le jeu. Il avait une érudition incroyable, et sa verve qui donnait un lien vraiment étonnant, ce qui fait qu'on peut lire les chroniques même sans comprendre quoi que ce soit au jazz et retrouver Vian et bien s'amuser. Connaissez ce thème, évidemment, Christelle Gonzalo. Eh bien, je vais vous aider. C'est Time's Wasting de Duke Ellington. Et on entend le timbre si particulier de la trompinette de Boris Vian. Ben oui, c'est lui qui joue en ce moment. Alors justement, on aimerait vous entendre parler un petit peu du jazzman qu'était Boris Vian, d'autant plus que de son vivant, finalement, on le connaissait davantage pour sa science du jazz, vous l'avez dit, que pour sa plume romanesque. Alors le jazzman Boris Vian, ça dure pas très très longtemps, mais il commence dans les années 30 avec ses frères. Ils ont fait un petit orchestre familial à Ville d'Avray. Il y avait aussi des copains qui venaient, et le jazz dans ces années-là, on s'échangeait quand même des disques, et c'était un jazz de danse, vraiment. Un jazz de swing. Voilà, de swing. Après, en 42, il rentre dans l'orchestre de Claude Abadie, qui était polytechnicien, donc lui-même était centralien. Alors sur la période Ville d'Avray, il faut dire qu'il y a quand même du beau monde, hein, parce qu'il y a une célèbre photo qui immortalise donc le trio de Boris et ses frères, hein, c'est Lélio à la guitare et Alain à la batterie, et on voit le futur ministre François Missoff. La Ville d'Avray était déjà une banlieue assez... banlieue de Versailles. Assez chic, et les amis alentour étaient tous les bienvenus, surtout les amateurs de jazz. Et oui, Missoff faisait partie de cette petite bande qui s'est augmentée après de centraliens, puisque Vian s'était fait un certain nombre de camarades centraliens qui venaient également le week-end à Ville d'Avray pour faire des fêtes. Et ça se faisait tout ça dans la petite salle de bal aménagée par les frères et le père à la fin des années 30, ce qui permettait à tout le monde de jouer en restant dans le giron de la maman. Oui, c'est toujours une chose rassurante. Et donc, c'est l'époque du Hot Club de France, hein, ou peut-être un peu plus tard, dans les années 37, Le Hot Club, je crois qu'il démarre en 32, et Jazz Hot, l'organe de publication du Hot Club, c'est 35. Et Vian prend sa carte du Hot Club, prend sa carte de membre, en 37, je crois, donc vraiment au tout début, et ça lui permet d'aller voir des concerts. Fameux concert en 1939, le 3 avril. Voilà, il voit Duke Ellington en concert. Incroyable. Là, c'est quand même une sacrée claque. Ça change tout. Oh, il y avait déjà. Le terreau était déjà propice, mais ça a été vraiment quelque chose qui l'a profondément marqué. Tout comme il raconte après L'écume des jours, il raconte qu'un de ses premiers chocs a été en 43 d'écouter l'arrangement de Duke Ellington de Song of the Swamp, donc la chanson du marécage, un petit lien avec le nénuphar, l'écume des jours, et Duke Ellington, donc la chanson est devenue Chloé. Donc l'écume des jours est vraiment un roman de jazz. Ouais. Et y compris dans le style, y compris dans la construction. Ça, je suis pas tout à fait capable de le dire. Marc Lapran, le directeur de la Pléiade, a beaucoup plus travaillé sur le sujet, mais oui, il semble que le l'art du contretemps est quand même très très présent dans l'écume. Christelle Gonzalo, on vous retrouve dans quelques minutes, mais pour l'heure sur France Culture, c'est le moment d'En Compagnie des Revues. La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, et nous sommes très heureux de vous revoir, cher Éric Fotorino. Je suis sûr que vous êtes un passionné de Boris Vian. Bonjour Mathieu. Ben écoutez, je pense que ça a été vraiment une des premières lectures qui m'ont montré la puissance de la littérature, de l'écriture. Et avec des petites blagues, parce que Jean-Sol Partre ou le porte-cuir en feuille, par exemple, je trouvais ça incroyable. Et puis, cette sensation d'étouffement. Moi, je me souviens de ce fameux nénuphar dont vous avez bien parlé avec Chloé. Et j'ai connu après plus tard une jeune femme qui était asthmatique, et je pensais toujours à ces scènes que j'avais lues et j'avais une sensation d'étouffement quand je lisais L'écume des jours. Et puis il y a une petite blague que je trouve amusante, c'est que dans les perles des libraires, hein, vous connaissez bien les libraires, une fois une dame était venue demander le légume du jour, oui. Et voilà, c'était le livre bien connu. Ah, très bien. Alors vous êtes venu comme souvent pour nous parler de votre hebdomadaire Le 1 qui paraît demain, qui paraît le mercredi, sous ce titre « En finir avec l'échec scolaire » et vous faites référence à François Villon, c'est inattendu. François Villon était-il un décrocheur, Éric Fotorino ? Alors c'est vrai que c'est un poème, le testament de 1461. Vous savez, Louis Chevalier, chaque semaine, vaillamment, depuis plus de 160 numéro trouve sur quel que soit le sujet que nous traitons un poème. Nous publions ce texte de Villon, Je fuyais l'école. En fait, il écrit Je fuya, je fuis F-U-Y-O-I-E, hein, l'école. C'était un décrocheur, donc. C'était un décrocheur, mais alors pas tant que ça. C'est-à-dire que ce que nous dit Louis Chevalier, il dit Villon, saint patron des apaches et des racailles, il connaît l'argot de la rue et les bas-fonds, et en même temps, il prouve qu'il a une maîtrise exceptionnelle des techniques de la poésie. Alors, rapidement, hein, voilà, c'est très court. Bien sait si j'eusse étudié au temps de ma jeunesse folle et à bonne mœur dédiée, j'eusse maison et couche molle. Mais quoi ? Je fuyois l'école, comme fait le mauvais enfant en écrivant cette parole à peu que le cœur ne me fend. Voilà, école buissonnière. Et alors aujourd'hui, Éric Fotorino, qui sont ceux qu'on appelle les décrocheurs scolaires, et qui feront peut-être de très bons poètes d'ailleurs. Oui, ah oui, oui, il y en a un certain nombre. Alors, nous avons réalisé un entretien avec une enseignante, Marie-Cécile Bloch, qui a créé il y a quelques années une école, non pas de la deuxième chance, mais une école où précisément on tient compte de tous ces parcours un peu cabossés. Et en fait, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Et ce qui est très intéressant dans ce qu'elle nous... Il y a à peu près 100 000 décrocheurs aujourd'hui, c'est-à-dire il y en avait 140 000 il y a 5 ans. Donc on est plutôt en train de voir une diminution de ce phénomène. Mais malgré tout, on voit bien que ce ne sont pas les catégories sociales comme on pourrait imaginer, si vous êtes plus de familles défavorisées, etc. Ça veut donc dire, et c'est ce qu'elle nous dit très clairement, que l'école a une part de responsabilité très forte dans le décrochage. Pour résumer, parce qu'évidemment toutes ces choses-là sont un peu complexes, il faut savoir nuancer, ne pas caricaturer, mais en gros, l'école n'est pas faite, ne sait pas faire avec la diversité des parcours, des élèves, et du coup, elle est capable de traiter la moyenne, mais lorsque vous dépassez d'un côté ou de l'autre, eh bien là, elle vous perd et elle ne vous rend incapable d'être heureux à l'école. Et je pense que plus que de savoir si vous travaillez bien à l'école, c'est la dimension du bien-être scolaire, du bien-être dans cet univers où on passe beaucoup de temps quand on est jeune. Alors justement, que se passe-t-il dans la tête de ceux qui décrochent? Arrive-t-on à le savoir, Eric Fotorino? Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a des paroles de décrocheurs, ça dit beaucoup sur l'institution scolaire et ça dit en effet pas mal sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décroche. Alors, ce qui apparaît, c'est que très souvent, ce qu'on appelle les décrocheurs, c'est ceux qui n'ont jamais accroché. D'une certaine façon, c'est qu'à un moment donné, ils ont senti soit l'ennui, soit une forme de harcèlement scolaire qui peut être une violence de l'institution presque inconsciente. Quand je dis ça, c'est pas une accusation des enseignants. Les enseignants, ils font au mieux pour précisément faire en sorte que les élèves soient bien. Mais les consignes qu'ils appliquent font que très souvent, eh bien, on a des jeunes qui ne se sentent pas concernés ou qui sont en rébellion contre les parents, qui veulent les voir réussir à tout prix, rébellion contre le système où on est d'une certaine manière assez passif. Voilà, donc c'est une sorte d'ingrédient où chaque décrocheur peut avoir sa propre histoire. Christelle Gonzalo, Boris Vian, c'était à la fois un rebelle et un très bon élève. Oui, absolument. Alors, très bon élève, dans une certaine mesure, il était très doué de toute façon. C'était pas comme fait central. Voilà, mais c'était pas un grand bosseur. Il a fini dans un rang très très moyen à l'école centrale. Il a fait ça un peu pour rassurer ses parents. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a dit après. Et puis, il s'est retrouvé ingénieur. Bon, ça gagnait pas assez, donc ça lui plaisait pas. Et puis, le travail l'intéressait assez peu. Il normalisait la verrerie à l'AFNOR, l'Association Française de Normalisation. Oui, ce qui est assez drôle quand même comme métier. Quand on lit, par ailleurs, Boris Vian. Merci beaucoup, Eric Fotorino, pour se procurer le 1. Comment fait-on? Alors, chaque mercredi, chez vos marchands de journaux et chez des libraires aussi, on trouve le 1. Et voilà, très bien. À très bientôt, Eric. Merci beaucoup. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Christelle Gonzalo est avec nous pour évoquer un Boris Vian jazzman et américanophile. Et cet attrait pour l'Amérique, eh bien, on l'entend presque jusqu'au pastiche dans son fameux roman signé Vernon Sullivan, J'irai cracher sur vos tombes. En voici un extrait. Personne ne me connaissait à Buckton. Clem avait choisi la ville à cause de cela et d'ailleurs... Même si je m'étais dégonflé, il ne restait pas assez d'essence pour continuer plus haut vers le nord. À peine 5 litres. Avec mon dollar, la lettre de Clem, c'est tout ce que je possédais. Ma valise, n'en parlons pas. Pour ce qu'elle contenait, j'oublie. J'avais dans le coffre de la voiture le petit revolver du gosse, un malheureux 6.35 bon marché. Il était encore dans sa poche quand le shérif était venu nous dire d'emporter le corps chez nous pour le faire enterrer. Je dois dire que... Je comptais sur la lettre de Clem plus que sur tout le reste. Ça devait marcher, il fallait que cela marche. Je regardais mes mains sur le volant, mes doigts, mes ongles. Vraiment, personne ne pouvait trouver à y redire. Aucun risque de ce côté. Peut-être allais-je m'en sortir. Ce ton... On vient d'entendre Christelle Gonzalo, c'est presque un style idéal typique du roman noir américain, cet extrait de J'irai cracher sur vos tombes. Oui, il a bluffé beaucoup de gens avec J'irai cracher. Marcel Duhamel, qui dirigeait la série noire, a écrit plus tard un livre de souvenirs qui s'appelle Raconte pas ta vie, où il explique qu'il s'est fait bluffer, que Vian lui a montré J'irai cracher, qu'il lui a fait lire. Et Duhamel ne s'est même pas posé la question de savoir si c'était un roman américain ou un pastiche. Il a fait les choses quand même assez bien. En relisant, tout en sachant que c'est Vian qui l'a écrit, on a c'est un peu une caricature des États-Unis. Il y a les chewing-gums, les Bobby Soxers, les pick-ups, voilà, le Coca-Cola. On a toute la panoplie qui est un peu trop étalée. Mais il s'était bien renseigné. Il lisait les journaux américains qu'il pouvait se procurer. Il était assez au fait de la vie américaine, de la culture. Il avait rencontré un certain nombre de jazzmen américains à la Libération. Et il les fréquentait vraiment assidûment. Il allait même jouer pour des cantines américaines. Mmh. Et il adorait parler anglais. Et il y avait même un de ses correspondants, Milton Rosenthal, qui, venu aux États-Unis, lui envoyait des lettres pour lui expliquer comment se passait la vie là-bas. Ouais. Donc il avait un environnement assez précis. Donc Milton Rosenthal, c'était un GI. Et il lui envoyait jusqu'au menu des restaurants de sa petite ville des États-Unis pour que Boris Vian s'imprègne de l'atmosphère voilà, américaine. Pour qu'il s'en imprègne et pour qu'il s'imprègne aussi de la langue, des différents usages. Il adorait l'argot américain, donc qu'il pouvait lire en édition originale dans certains romans de la série noire et qu'il pouvait ressortir ensuite en retraduisant en français pour que ça ait l'air plus américain. Ouais. Il lui envoyait des cartes routières aussi. Oui, c'est mieux de connaître le nom de la nationale pour voilà, être un peu crédible quand on écrit quand même un une roman. Histoire de crédibilité. Et puis, c'est vrai que leur interaction a duré un certain nombre d'années, puisque Vian écrit Le Dernier Sullivan et publié en 1950. Donc, pendant 5 ans, il faut qu'il connaisse un peu plus les villes. Et puis, même pour sa culture personnelle, il n'y avait pas que les Sullivan qui. Mais alors, il paraît que ce fameux Milton, il a co-traduit la version américaine de « J'irai cracher sur vos tombes ». C'est vrai, ça ? Ça, c'est une très bonne question. Le fait est que Boris Vian, au départ, parle anglais, mais n'est pas du tout bilingue. Sa femme, Michelle, l'aide énormément pour ses premiers textes. Qu'elle est bilingue ? Elle est beaucoup plus fluente que lui, en tout cas, et elle adore. Elle est très américanophile également. Et les premières traductions que Vian signe, il les co-signe avec sa femme, Michelle, chez Gallimard en série noire. Et Milton Rosenthal travaillait au temps moderne. Et à un moment, Vian a eu besoin de prouver qu'il n'était pas l'auteur de « J'irai cracher sur vos tombes ». Mais pour prouver ça, il fallait une version américaine. Oui. Certaines personnes ont dit qu'il s'était fait aider, donc par Milton Rosenthal. On n'en sait rien et je pense qu'on n'en saura jamais rien. C'est très probable qu'il ait demandé des conseils, en tout cas à un Américain de souche pour certaines tournures de phrases. Oui. Voilà, et le roman a été vraiment publié en 48 pour prouver que l'original existait. En tout cas, sa femme, donc Michèle Léglise, qu'il rencontre durant l'été 40, va avoir ce rôle particulièrement important dans son américanophilie. Il y a le fait, vous venez de le signaler, qu'elle parlait un anglais très précis. Il y a aussi cette passion qu'ils ont en commun pour des écrivains américains. Oui. Pendant la guerre, même, ils se promenaient sur les quais. Ils allaient chercher les éditions originales de Faulkner, de Steinbeck, et puis des polars également. Ils se les repassaient. Ils avaient une liste de lecture commune où ils indiquaient tous les livres qu'ils avaient lus. Il y a énormément d'auteurs américains. C'était leur passion commune et c'est assez logiquement que les deux se retrouvent à traduire les romans qu'ils ont aimés. Hemingway aussi, on a beaucoup dit qu'il aimait beaucoup Hemingway. Oui, alors je saurais pas comme ça vous citer un titre qui aurait pu le marquer plus que d'autres, mais il fait partie de sa liste de lecture de toute façon. Et qu'est-ce qu'il garde de ces écrivains américains là, selon vous? Alors de Faulkner, par exemple, quand il écrit Les Fourmis, qui est son seul recueil de nouvelles publié en 1949, il garde un ton, il garde une chute brutale, des histoires extrêmement courtes avec peu de personnages. Je pense qu'il s'est nourri de tout ça et qu'il les a ressortis de manière assez digérée, sans faire de référence précise à tel ou tel. Mais ça se sent, et surtout dans ses nouvelles d'ailleurs. Je vous propose d'écouter justement un extrait des Fourmis. Je suis toujours debout sur la mine. Ce matin, nous étions partis en patrouille. Je marchais le dernier, comme d'habitude. Ils sont tous passés à côté. Moi, j'ai senti le déclic sous mon pied et je me suis arrêté net. Elle n'éclate que quand on retire son pied. J'ai jeté aux autres tout ce que j'avais dans les poches et je leur ai dit de s'en aller. Je suis tout seul. Je devrais attendre qu'ils reviennent. Et je leur ai dit de ne pas revenir. Je pourrais essayer de me jeter à plat ventre. Mais je n'accepterai pas de vivre sans jambes. Il ne me reste que le carnet et le crayon. Je vais les jeter. Parce qu'il faut absolument que je change de jambes. Il faut absolument que je le fasse. Parce que j'en ai assez de la guerre. Et parce qu'il me vient des fourmis. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors là, on n'est pas du tout dans le potache, on n'est pas du tout dans l'écriture festive qu'on peut retrouver par ailleurs chez Boris Vian. On est dans une gravité, dans une tension, dans un suspense qui est tout sauf gratuit, Christelle Alors, Gonzalo. C'est vraiment très très bien rendu dans cet enregistrement. Il y a une dimension tragique qu'on peut ne pas avoir à la lecture. Les fourmis, qui est donc la nouvelle qui a donné le nom au recueil, c'est une écriture, une espèce de degré zéro de l'écriture. On est un peu dans L'étranger de Camus. Le héros est un pauvre soldat qui comprend pas bien ce qui se passe, qui suit le mouvement, qui est un peu en retard, qui cherche à voir des dames. Et sur les 10 dernières lignes, qui sont celles qui viennent de passer, voilà, la chute. Il marche sur une mine. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend. Et il a des fourmis, voilà, ça donne le... Donc on est dans le tragicomique. On est, voilà, parce que tout le reste est très très très enlevé, sous fond quand même, la toile de fond est dramatique, mais on ne peut pas s'attendre à cette fin. Et c'est vrai que là, il y a la musique, il y a une mise en scène dans cet enregistrement qui fait que je pense que la moitié des gens ne vont pas pleurer à la fin de la lecture, en tout cas. Alors les fourmis, c'est un genre qui est aussi un genre anglo-saxon. Vous dites qu'il a pu s'inspirer des écrivains américains pour écrire ses nouvelles. Mais la nouvelle en tant que telle, la short story, c'est un genre qui est plutôt un genre anglo-saxon, surtout au XXe siècle. Oui. D'ailleurs, à part Marcel Aimé, il y a très très peu d'écrivains français qui se frottent à cet exercice. Vian, ça lui convenait merveilleusement bien, parce qu'il avait une écriture très sèche, concise, qu'il arrivait en quelques pages à créer un univers, qu'il avait un art de la chute assez consommé. C'est son recueil le plus américain, le recueil des fourmis. C'est publié aux éditions du Scorpion, comme les Vernon Sullivan et comme les autres. Alors au départ, quand même, Vian avait signé pour un recueil de nouvelles chez Gallimard, qui se serait appelé Les Lurettes Fourrées. Je pense que dans cette optique, il a commencé à écrire quelques nouvelles. Et puis bon, la relation du Vian auteur avec Gallimard n'était pas au mieux. Et il a publié quelques nouvelles dans un certain nombre de revues, dans La Rue, qui était une revue anarchiste, dans Les Temps modernes, dans des revues éventuellement un peu plus légères. Et 9 des 11 nouvelles qui composent le recueil sont dédicacées à des jazzmen au départ. Le jazz est très très très présent dans le recueil de nouvelles, mais au moment de le publier, il enlève ses dédicaces et il en fait un recueil plus classique. Le jazz encore. Oh love, loveless love. They said our hearts on gold is gold. From milkless milk and silkless silk, we are growing. Used to soulless soul. Such grafting times we never saw. And that's why we have a pure food law. How did food get in here? Il faut dire que c'est par le jazz que Boris Vian va prendre conscience d'un problème qui va le hanter, qui est le problème des Noirs américains. Et là, toutes les tribunes sont bonnes pour dénoncer le scandale du traitement des Noirs aux États-Unis. Oui, il est au fait de cette situation assez rapidement à la libération par les, par sa rencontre avec les soldats américains qui lui font part de la chose. Et puis il se renseigne, il lit des journaux, il creuse un petit peu ce problème noir américain. C'est aussi dans l'air du temps, les temps modernes, à l'été 46, publie un numéro spécial à États-Unis. Il y participe et c'est sa première collaboration au temps moderne d'ailleurs, et l'Écume des Jours va même bénéficier d'une prépublication dans la revue. Et c'est vraiment tout le monde se demande, tout le monde acclame les États-Unis parce que ce sont les libérateurs de la France, et se demande ce que c'est que ce pays. Donc Breton y est allé, Sartre il revient je crois au début de 47 des États-Unis. Il faut aller voir sur place à quoi ça ressemble. Et ils aiment autant qu'ils détestent les États-Unis, surtout du fait de ce problème de racisme très prégnant. Ouais. Mais la fréquentation des musiciens de jazz, c'est un catalyseur quand même pour Boris Vian sur cette question-là. Oui, mais après, que faire depuis la France, à part écrire? Donc il écrit, et j'irai cracher sur vos tombes. C'est une blague au départ, mais c'est une blague qui est quand même extrêmement sérieuse, parce que tout le problème, c'est le problème des Noirs devenus blancs, mais qui restent Noirs, et qui sont mis au banc de la société américaine. Alors il écrit aussi un article intitulé « Une victime du cinéma américain, : le jazz ». Christelle Gonzalo. Oui, parce que il y a un certain nombre de films sur le jazz qui sortent aux États-Unis. Et on avait pour habitude de laisser les musiciens de jazz à l'arrière-plan du film, et les rôles principaux étaient tenus par les blancs. Donc ça l'agaçait au plus haut point. Par contre, en 45, je crois, il voit en Belgique, alors qu'il est en tournée, il doit faire le 24 et le 31 décembre dans un cabaret en Belgique, et à Bruxelles, et il voit Stormy Weather, qui est sorti en 43, mais qu'il n'avait pas vu. Il le voit avec Claude Léon, le batteur de l'orchestre Abadi, et là, il se prête une claque, parce que c'est la première fois que des Noirs américains jouent les premiers rôles. Donc il y a Cab Calloway, il y a Lena Horne, il y a un certain nombre de musiciens qui sont en tête d'affiche d'un film de jazz américain. Et il le voit trois fois dans la journée. Mais alors quand même, on a envie de se poser une question, Christelle Gonzalo, vous la posez d'ailleurs, c'est celle-ci: est-ce que Boris Vian, finalement, n'aurait pas voulu, à un moment donné de sa vie, devenir américain, vivre aux États-Unis? Vivre aux États-Unis, je ne pense pas, parce qu'il... Parce qu'il n'y est jamais allé, il faut quand même le dire. Il n'y est jamais allé. Alors, bon, il n'est pas tout seul. Hein, un des grands auteurs de polar américain, James Hadley Chase, était anglais. C'était son pseudonyme, et il n'avait jamais mis les pieds aux États-Unis non plus, ça l'empêchait pas d'écrire. Non, je pense qu'il avait une grande fascination pour les États-Unis, mais c'était pas un grand voyageur. Il allait à Londres, il allait à Bruxelles, il allait à Saint-Tropez. Il s'est posé la question d'aller aux États-Unis, il me semble, pour sa maladie de cœur, parce que là-bas on commençait à opérer, mais il a très vite abandonné l'idée. Et on sait pourquoi d'ailleurs, pour des questions financières. Je pense que cette médecine était encore assez balbutiement, et que le risque était trop grand. Peut-être que c'était même trop avancé, sa maladie. Il avait 35 ans, c'était déjà trop tard, quoi. Alors, la mort, évidemment, de Boris Vian, on en a parlé hier, mais on n'a pas dit quelle a été la dernière phrase qu'aurait prononcée Boris Vian, et qui rentre tout à fait dans notre sujet du jour. Alors, Boris Vian pouvait parfois être un peu vulgaire, éloigner les enfants. Boris Vian aurait dit, avant de mourir, en regardant donc le film, l'adaptation de « J'irai cracher sur vos tombes », « ces types-là sont américains comme mon cul ». C'est à peu près ça, on n'a pas forcément la phrase exacte, parce que les témoins avaient autre chose à faire après la projection du film. Mais dans tous les cas, il a détesté ce qu'il a pu voir de l'adaptation. Il faut savoir que le scénario qui a été retenu n'était pas le sien, que le tournage s'est effectué sur les hauteurs de Nice, avec des acteurs européens. Ça ressemble un petit peu à Los Angeles, Nice. Oui, d'une certaine manière, que l'intrigue n'a rien d'une intrigue... Enfin, on a complètement gommé cette histoire de noir. C'est devenu une histoire de paparazzi. On a beau mettre une buque, ça reste la hauteur de Nice. Enfin, et je pense qu'il a été encore, ben, vraiment vexé et profondément touché par le manque de transposition de la réalisation. Merci beaucoup Christelle Gonzalo d'être venue nous parler de la trajectoire des œuvres de Borisian qui a abouti en quelque sorte à l'édition des œuvres complètes en Pléiade à laquelle vous avez participé. C'est également en votre qualité de rédactrice au magazine Jazz Hot que vous nous avez fait découvrir un vivant jazzman et américanophile. Demain, nous rendons visite à Nicole Berthold, mandataire de l'œuvre de Boris Vian, dans le dernier appartement où il a vécu à la cité Véron, au-dessus du Moulin Rouge. Mais avant cela, et comme chaque jour, eh bien c'est Jacques Bonafé qui lit des poèmes extraits du Livre errant de Jean-Marie Kerviche. Bonjour la compagnie, bonjour Mathieu. À quoi bon ? Oui, cédons un peu, soyons fous. Cédons à l'aquabonisme zen. À quoi bon ? Pourquoi continuer ? Pourquoi reprendre ? Oui, il ne faut pas s'empêcher de poser cette question, pourquoi reprendre ? On pouvait estimer l'expérience heureuse, l'arrêter avant qu'elle ne lasse, pouvoir parler d'elle plus tard avec des regrets dans la voix. Quelques minutes quotidiennes pour la poésie sur France Culture, brève minute donnant voix au poème. Bien ! Cela a-t-il servi ? Bon, n'hésitons pas à faire le point. Un auteur chaque semaine, le plus souvent trié sur une actualité éditoriale, une écriture peut-elle s'entendre à travers un pareil prélèvement ? Parfois l'écriture se fait entendre, oui, et parfois pas. On reste sur l'autre berge, quoi. On voit passer les sons dans les flux contrastés d'une après-midi sans bien comprendre ce que ça dit. Et parfois le tuyau s'est bouché. Un poème, deux poèmes, trois, et puis le tuyau s'est bouché. Ça s'empile pas la poésie. La poésie fraîche est sortie des presses. Il faudrait s'interrompre, peut-être, quand on ne comprend pas. Il faudrait poser, comprendre. Voilà, il faudrait un temps, un mot d'appui, ou alors 10 secondes de silence. Non, mais on peut pas. Ça coûte une fortune. On n'a pas cet argent-là à la radio. Enfin, on l'a plus. On n'a plus que ses yeux pour pleurer. Les sanglots longs des violons, parlons-en. À quoi bon ces langueurs monotones ? Jean-Marie Kerviche, le Livre errant. Je suis le livre errant, le livre sans auteur. J'écris avec l'aide du vent qui tourne mes pages, à l'aide du sang pourpre des feuilles des arbres. Je suis l'errance, l'errance qui sait tout. Bon, jusque-là, on comprend. Ce sont les premiers mots du livre de Kerviche, le livre errant. Aux dernières pages du livre, il dit « Moi, Jean-Marie Kerviche, en mon être le plus miséreux, j'ai bâti un refuge pour les pensées infortunées. » Je les reçois dans mon esprit et j'écris leur message. Puis je m'endors sous la couverture du livre errant. L'homme que je suis s'arrête ici, assis au bord d'un trottoir, comme un mendiant démuni tendant sa main. Ma vie s'arrête ici. À quoi bon écrire pour devenir, dans le meilleur des cas, le nom d'une rue menant elle-même à la mort ? Moi, le livre errant, je trouve qu'il y a trop de faux poètes. Leurs livres se bousculent le long des étagères des bibliothèques pour être vus et avoir une bonne place. Mais le grand poète écrit en marchant sur la page. Peu lui importe la critique littéraire. Il marche comme à l'habitude. Il a relevé le col de son manteau et il observe. Je vois juste une pensée sortir de son front, suintant comme un champignon d'automne. Que faire ? Lui lancer un trait de ma plume pour qu'elle attaque la cruauté du monde ou la laisser mourir au fond de mon âme ? Mais j'aperçois déjà la porte écarlate de l'arc-en-ciel qui se refermera sur moi pour toujours. Ma sensibilité est une douceur qui me fait mal, mais il y a de la joie dans le malheur de souffrir. La feuille de papier éponge bien des larmes versées. Plus loin dans le poème, une écriture mince comme la fissure d'un mur où se laisse glisser en silence l'extase d'une fille nue, jambes écartées, les seins pleins d'arrogance. La pudeur n'appartient qu'aux fleurs des champs. Tiens, un livre sur un banc. Feuilles au vent, il semble s'écrire lui-même. La poésie n'a pas tout dit. Elle garde pour moi ses derniers lingots d'or. Merci Jacques Bonafé, à demain. Et dans quelques instants sur France Culture, vous avez rendez-vous avec la série musicale.